La maison du corps diplomatique Taedonggang à Pyongyang a abrité le 24 un séminaire à l'occasion de la journée de l'ONU. Y ont été présents le coordinateur permanent des Nations Unies et représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement en Corée, ainsi que d'autres représentants des institutions internationales. Y ont été invités des fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, de la protection du territoire national et de l'environnement, de l'agriculture, ainsi que des délégués diplomates de divers pays en Corée. Au séminaire sur le sujet « Pour le développement de l'homme durable et récupérable », il y a eu un discours et des interventions sur les programmes de coopération des institutions onusiennes dans divers secteurs, tels que la sécurité alimentaire et nutritive, la santé publique, l'hygiène d'eau, l'enseignement et le développement de l'énergie naturelle en Corée depuis 2017 jusqu'en 2021. Le même jour, le coordinateur permanent des Nations Unies et représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement a offert un banquet.